C'est avec un immense plaisir qu'on reçoit le centre arrière des Alouettes de Montréal, Patrick Lavoie. Bon après-midi, Patrick. Bon après-midi. Patrick, si on parlait un peu, évidemment, des Alouettes depuis l'arrivée de Johnny Manziel, évidemment, il y a un vent quand même d'intérêt. Est-ce que les joueurs sentent ça davantage? Pas vraiment. Écoute, nous, on se concentre sur la préparation du prochain match. L'intérêt, c'est sûr qu'on voit plus de peut-être de journalistes aux pratiques. Là. Mais écoutez, non, on sent pas vraiment plus. Je dirais comme joueur, je pense que ça change pas la façon qu'on se prépare pour les matchs. Ça devrait pas changer également non plus. Je pense que c'est une bonne chose que ça change pas ça. Mais écoute, on peut comprendre pourquoi Johnny a tellement fait des choses au niveau de la NCAA, au niveau du collégial américain. Donc, on comprend ça. Puis mais écoute, on le sent pas vraiment comme joueur. OK. Patrick, si on parlait un peu du début de saison, toi, tu t'es emmenu d'Ottawa, tu voulais relancer l'équipe, c'était un de tes objectifs. Évidemment, tu dois être déçu quand même, hein? Oui, écoute, c'est sûr que c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas vraiment ce qu'on voudrait comme début de saison. On n'a pas voulu se performer à la hauteur de ce qu'on s'attendait, surtout offensivement. Je pense qu'on a déjà marqué des points. Là, pourquoi tu penses que l'échange a été fait d'aller chercher Johnny Manziel comme ton corps arrière, essayer d'avoir un peu plus de rythme offensivement. Je pense que le rythme, en ce moment, nous tue offensivement. Même si on a fait des meilleures choses au dernier match, faut marquer plus de points. Mais c'est pas toutes les phases non plus là, qui vont mal. Je pense que la défensive a connu des bons matchs. Peut-être, je pense que le dernier, je pense qu'il aimerait ça le revoir, mais c'était spécial dans les derniers matchs aussi vont bien. C'est pas tout noir non plus. Il faut continuer à travailler, puis c'est une saison qui est tellement longue, écoute, qu'on a le temps de rebondir encore, puis c'est un peu drôle à dire, mais la division de l'Est est en série. Si on gagne le prochain match, on s'amasse deuxième dans l'Est, puis écoute, on fait partie des playoffs, tu sais, fait que faut voir ça en avant, puis ce qu'on veut faire, nous, c'est piquer au bon moment, puis c'est les séries qui est le plus important. Est-ce que l'esprit d'équipe, parce qu'on dit tout le temps que quand l'équipe gagne pas, c'est l'esprit d'équipe en ressent, est-ce que l'esprit d'équipe, malgré tout, après ce début de saison, est difficile, mais malgré que les Alouettes, écoute, il y a un va-et-vient depuis le début de la saison, est-ce que l'esprit est quand même bon, là? L'esprit d'équipe est excellente pour ce qui se passe en ce moment, les chambardements qu'il y a eu, puis tout ça. Les gars sont là pour les bonnes raisons, puis les pratiques sont excellentes, les champs de pratique sont excellents. Le commitment, là, j'ai pas juste un mot-là en anglais, mais le commitment qui est excellent, les gars sont là pour les bonnes raisons, comme je dis. Non, écoute, les gars, on continue à avoir du fun pareil, puis tout ça, mais non, on peut vraiment pas chialer sur comment les joueurs se comportent en ce moment en pratique, puis même en match. Là. Les gars sont loin d'avoir lancé la serviette, puis il n'y a pas de chicane dans le locker room. Loin de là, je pense que les gars, ils ont du plaisir quand même. OK, ben c'est sûr. Hein, quand on voit quand même, tu l'as dit tout à l'heure, quand on voit que l'Est, c'est de même tout le temps. L'Est qui est à... vous gagnez de même, vous tombez deuxième. Donc, il n'y a rien de fini. Puis on dit tout le temps qu'au football canadien, la saison commence à la fin du travail. Mais moi, je suis pas optimiste, Patrick. Je vous ai donné une saison de 3 victoires. Je dois vous l'admettre, Patrick, là. Je vous ai donné une saison de 3 victoires, mais quand même. Est-ce que, du côté des... votre grande faiblesse depuis le début de la saison, c'est la ligne à l'attaque. Est-ce que toi, là, du côté... vu que c'est une faiblesse, tu es un centre arrière, est-ce que tu es appelé à jouer un plus un grand rôle pour protéger le carrière? C'est sûr, certain. Je pense que ça rentre dans ma définition de tâche. Écoute, c'est sûr qu'on essaie de prendre fierté à ça. Je pense qu'il faut... C'est sûr qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements sur la ligne offensive. On a perdu des joueurs sont revenus de blessures. Il y en a d'autres qui sont partis en blessure, on a échangé. On s'est allé en signer d'autres. Il y a eu beaucoup de mouvements. Écoute, c'est sûr pour une ligne offensive, c'est dur de créer une chimie, c'est dur de créer quelque chose. Je pense que là, comme encore là, avec la venue de Johnny, on l'a vu au dernier match avec Vernon Adams, c'est quand... C'est des corps qui pardonnent un peu. Ce que je veux dire par là, c'est que si la ligne offensive flanche, si on travaille pas aux bons joueurs, ou si ils réussissent à mettre la pression à 5 ou à 6 joueurs, ce qui devrait pas arriver, on a un corps arrière qui est capable de bouger puis flancher un peu la pression. Puis ça, c'est sûr qu'on... Je veux dire, c'est une erreur dans la protection, mais en même temps, les répercussions sont moins graves. Fait que les gars, ils sont... C'est moins dur sur la ligne offensive. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que le résultat fait que, ok, c'est pas grave, next prochain jeu, on peut-être pas ce prochain jeu. Tandis que si tu donnes un sac avec négatif en arrière, avec un moins 4 verges, c'est quelque chose qui pèse sa conscience, c'est quelque chose qui est dur à penser au prochain jeu. Tandis que si t'as un travail qui a vraiment bougé en arrière, puis ça change, je peux pas dire que ça change rien, mais quelqu'un de faire créer un jeu positif malgré tout, c'est sûr, ça donne beaucoup d'énergie à la ligne offensive, puis ça fait que la ligne défensive aussi de cette équipe adverse met de la pression différemment aussi. Essaie de contenir au lieu d'aller directement au corps. Fait que, donc ça crée de la pression différemment. On peut se stresser un peu au niveau défensif. Ça aide la ligne offensive. Donc j'ai hâte de voir ça aussi avec un corps aussi mobile que Johnny. Si je pense que le nombre de sacs va vraiment diminuer à cause de lui, mais aussi à cause que les défensifs vont devoir s'ajuster à lui. Il y a de la pression un peu différemment. Est-ce qu'il y a une grosse adaptation quand c'est un corps mobile et pas mobile? Quand Drew Willey, c'est pas. On est loin de Deshaun Watson. Là. On est loin de Johnny Manziel. Donc, j'imagine que pour l'équipe, il doit y avoir une adaptation, il doit y avoir un changement un peu quand c'est un corps plus mobile. Oui, c'est sûr que selon moi, c'est un système qui devrait s'ajuster, qui doit s'ajuster. Écoute, pour l'équipe, je pense que faut que tu connaisses au niveau des receveurs, au niveau des porteurs de lance, faut que tu connaisses en anglais, c'est des scramble rules, là, dans le fond, quand le jeu est brisé, puis après que t'as joué ton premier tracé, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on doit aller, puis essayer de créer, on joue dans, c'est comme si on jouerait dans le champ, là, avec 4-5 jeunes, puis tu sais, on dessine dans la terre, même pas, puis on s'ajuste à ce qu'on voit, mais c'est ça, un peu le scramble rules. Puis on sait que ça va arriver beaucoup avec Johnny, fait que tu sais, il faut les connaître, il y a quand même des règles là-dedans, fait qu'il y en a un qui va en haut, qui va en bas, des choses comme ça, donc ça, c'est sûr, il faut s'ajuster à ça. Mais pour le reste, je pense que c'est le système qui doit s'ajuster. Je pense que c'est un gars qui est capable d'être en mouvement, qui est capable de préparer nos matchs comme ça, puis avoir un plan de match qui va le mettre en mouvement également. OK. Parle-moi de Mike Sherman. Mike Sherman, est-ce que c'est. Il arrive directement de la NFL. Est-ce que ça paraît? Qui n'est pas encore à l'aise du côté de la Ligue canadienne? Non, ça, c'est pas. C'est un gars qui apprend très vite. C'est plus sa mentalité d'aller à l'école. Je pense que c'est un gars qui aime beaucoup voir, beaucoup jouer, qui aime ça qu'on pratique beaucoup, qui aime ça. Tu sais, comme j'ai dit, c'est un gars d'aller à l'école, mais en même temps, c'est agréable. Je comprends pourquoi. En même temps, offensivement, on n'a pas ce qu'on veut. Donc, il faut faire des répétitions, il faut voir plus de looks différents. C'est un gars qui a tellement vécu, qui nous le transmet également, ça c'est super intéressant. C'est une vision d'une équipe qui je peux pas dire autre chose qui est on point, là, vraiment, comment on devrait se comporter, comment on doit être dans la victoire autant que dans la défaite. Avoir une mentalité gagnante, ça, j'adore ça, la mentalité qu'il amène, la vision qu'il amène. C'est vraiment bien, c'est ça que ça nous prenait ici à Montréal. OK. Ben, Patrick, très intéressant, au plaisir de se reparler. Un autre tantôt, on espère évidemment une victoire des Alouettes demain pour l'entrée en scène de Johnny Football. J'aimerais ça. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on finira pas avec trois victoires cette année. Je te garantis je te donne beaucoup d'argent à ce qu'on finira pas avec trois victoires cette année. Patrick, je me dois d'être honnête avec toi. Fallait que je sois honnête quand même. Moi, je l'ai dit depuis le début, je prédis une saison de trois victoires. Parce que, mais malheureusement, fallait que je te le dise. Y'a pas de problème. Pas OK. De problème. Ben voilà, donc c'est. Tu sais qu'on a gagné le quatrième match. Tu sais qu'on a gagné le quatrième match, tu me rappelleras après. OK, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était Patrick Lavoie des Alouettes de Montréal.